Allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Contre-culture hacker. Vigilance. Liberté numérique. Société de l'information. Azure sur 2. De 19h à 20h. Sur Radio Campus. Sur Saucisse Pois Chiche FM. Saucisse Pois Chiche FM. Random. Sur Radio Campus. 106,6 MHz. Saucisse Pois Chiche FM. Un dimanche sur deux. Bidouillage. Ni filtrage, ni censure, nous l'on net, libre et web. Actualité. De 19h à 20h, un dimanche sur deux. Random. Sur Radio Campus. Random. C'est pas une bonne idée. Si quelqu'un d'autre veut le faire, veut le faire. Voilà, bonsoir et bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur Radio Campus 106.6 FM et bah, nous sommes ensemble pour une heure. C'est Random numéro 31. Et voilà, et bah, ce soir nous sommes deux. Bonsoir Little Charlie. Bonsoir et Mad Martigan à la technique. Voilà. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Alors on va commencer par des actualités locales sur la LOPSI, les manifs qui se sont passés. On va dévier un peu sur l'OCCL, sur la création d'un lab privé à Lille. On va parler un peu du point 42, de Wikipédia. On va parler InfoSec avec la PS3 et sa protection racine craquée. On va parler de Wikileaks 13 cette fois-ci. Et de pas mal d'autres news. Donc tout de suite, on va commencer par les actualités locales. Donc les actualités locales, c'était notamment hier la manifestation sur la LOPSI. Bah, c'était surtout essentiellement sur l'île un tractage pour informer le grand public des dangers que représente la LOPSI. À la fois sur ce qui concerne la liberté numérique avec le filtrage de l'internet et les mouchards, mais aussi depuis quelques semaines tout ce qui touche à l'habitat précaire, tentes, yourtes, etc. Donc voilà, donc il y avait du boulot et on s'attendait à avoir pas mal de monde, mais disons que il manquait pas mal de monde, vu que 50 à 60 personnes étaient au commissariat. Donc suite à une soirée au CCL, une soirée de soutien qui avait lieu donc vendredi soir, et à des tags qui ont été laissés dans le quartier, tout de suite la police s'est dit bon bah c'est les anarches qui ont encore tagué des trucs. Donc des tags islamophobes, ce qui semble un peu bizarre concernant le CCL. Et donc il y a eu donc une discussion qui a dû vite dégénérer avec les forces de police et un policier qui a été entraîné à l'intérieur, bah, qui aurait été entraîné à l'intérieur. Ça c'est la version des médias, donc on voudrait se renseigner un peu plus pour savoir ce qui s'est passé. Donc voilà. Et donc bah avec une cinquantaine de personnes en moins pour venir bah, tracter. Faire des caméras vivantes, faire pas mal d'autres choses, c'était... bon, il y avait une mobilisation, mais assez fortement touchée par la rafle de la veille. Donc, voilà. Dans des news un peu plus réjouissantes, donc il y a la création d'un hackerspace privé à Lille. Donc c'est juste que bah, c'est un peu compliqué d'ouvrir au public, mais sinon ça reste ouvert à tous ceux et toutes celles qui sont intéressés par le bidouillage, par le... pas mal de choses. Donc le OSILAB, c'est essentiellement un laboratoire tourné vers tout ce qui est réseau. Donc réseau au sens réseau de télécommunications. Donc tout ce qui est expérimentation autour du Ronja, donc des communications par transmetteur et optique. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a besoin de licence et on peut faire des liaisons assez puissantes. Vu que c'est du rayonnement visible. Il y a aussi des expérimentations autour de l'IPv6, autour des réseaux méchés, Wi-Fi. Mais bon, ça ne s'arrête pas que là. Il y a le projet de jardin potager qui avait été fait au lieu, qui va être repris et qui va certainement être fait à l'arrière du bâtiment. Et il y a plein de choses à imaginer. Pourquoi pas faire des ateliers sur les cosmétiques et les détergents DIY, sur la création le design d'objets pour faire germer des graines et ensuite donc les consommer. Donc on pourrait les faire avec une RepRap monté pour l'occasion. Voilà, donc il y a un petit lieu qui s'est mis en place essentiellement pour pallier au manque du hackerspace de Lille qui devait être le local host, vu que ça avance toujours pas. Donc voilà, ça va permettre de faire un petit bootstrap d'un lieu hacker sur Lille avant d'avoir un lieu définitif et vraiment ouvert. Donc voilà. D'accord, donc c'est pas quelque chose qui a vocation à durer dans le temps, quoi. C'est ça a pas vocation à durer. Petite friandise pour faire santé, quoi. Voilà, c'est une petite friandise. Bon, peut-être que ça aura sa vie et que ça va continuer. Ouais, mais c'est surtout un bootstrap et après pour démarrer et ensuite partir sur un projet beaucoup plus pérenne et qui dure beaucoup plus longtemps. D'accord. Voilà. Et un truc assez intéressant de noter. Le site web qui n'est pas encore mis en place, mais il y a déjà le nom de domaine qui a été réservé. Bah, le nom de domaine, il est un peu curieux. Le site du OSILAB, quand il sera mis en place, ça va être osilab.42. .42, c'est... Ouais, c'est étrange, c'est quoi comme pays, ça? Donc voilà. Donc le .42, qu'est-ce que c'est? En fait, le projet .42... C'est la création d'une nouvelle racine DNS, donc en .42. C'est un TLD, ce qu'on appelle le Top Level Domain. Et il serait hors de contrôle de l'ICANN. Ce serait ça l'intérêt. Faut peut-être préciser pourquoi c'est l'intérêt et qu'il serait hors de contrôle de l'ICANN. Ouais, ouais. Ouais. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, en fait, suite à... Bon, là, ça ne concernait pas l'ICANN, mais on a vu qu'il y avait Wikileaks.org qui avait sauté il y a quelques semaines. Là, c'était du niveau du registrar, donc de l'entreprise qui permet d'enregistrer des noms de domaine, qui n'avait pas voulu donner le contrôle à Wikileaks, donc qui avait bloqué le transfert de noms de domaine sur un autre registrar. Et en même temps, il y avait l'hébergeur de ces noms de domaine, des DNS, qui avait coupé le compte de Wikileaks. Donc c'était un peu... Ça avait foutu un peu le site par terre. Et pour l'instant, l'ICANN n'est pas soumis à pression du gouvernement américain. Il y a des pressions, mais c'est pas... Disons qu'ils n'agissent pas face à ces pressions. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes parmi beaucoup d'acteurs de l'Internet, d'acteurs associatifs ou de sociétés, etc., que le gouvernement américain censure les DNS. Donc du coup, avoir un .42, ça permet de mettre en place pas mal de... avoir un .42 ou d'autres TLD alternatifs, Ça permet donc d'empêcher un peu cette censure, vu que ce n'est plus sous l'autorité de l'ICANN. Bon, après, il y a aussi un autre élément qui est aussi important, c'est l'ICANN demande une somme assez considérable pour déposer un TLD. Ça doit être autour de quelques dizaines de milliers d'euros ou millions d'euros. D'accord. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est quand même... c'est pas donné à tout le monde et c'est quand même considérable. Voilà. Donc, le projet 42, donc, c'est un registre associatif, ça on l'a dit. Donc il est gratuit. Alors il est gratuit, mais faut faire une demande motivée, c'est-à-dire dire bah voilà, je veux ce nom de domaine-là, je vais faire tel projet dessus, et il faut que le projet soit un peu en rapport autour de. Que ce soit en rapport avec le libre ou avec la bidouille, avec la réappropriation des technologies ou des techniques, ou qui a un but de transmission de la connaissance. Il y a une charte qui est sur le, il y a une charte qui est amenée à évoluer, qui est gérée par l'association, donc qui indique à quoi sert le point 42. Donc du moment qu'on respecte cette charte, on peut déposer un point 42. Et après, si on veut, on peut payer le point 42 pour aider l'organisation à assurer les besoins. Je crois que quand on veut payer un nom de domaine, on peut le payer 5 euros en fait. D'accord. Donc l'objectif, c'est aussi de créer une communauté qui prône la liberté de circulation de l'information, en gros, la bidouille, etc. C'est aussi... un peu comme les points coop, c'est une référence au niveau des sites des coopératives. Ça indique que la société, oui, est bien une coopérative. Là, dans le point 42, ça serait un peu un label en quelque sorte. Ça serait, oui, ces sites-là, c'est on vous vend pas un logiciel propriétaire sous couvert d'open source, du terme open source. C'est vraiment un projet qui s'inscrit dans la dynamique du libre, qui s'inscrit vraiment dans un état d'esprit bien particulier. Il y a plusieurs projets qui ont tenté la même initiative avant le projet Point 42. Je pense notamment à OpenRSC, il y a ORSN aussi qui a fermé en octobre 2008. Il reste normalement à l'heure actuelle que OpenNIC, OpenNIC. Ouais. OpenNIC. Ouais. Il y a la plupart des projets en fait n'ont pas été intégrés dans les DNS des fournisseurs d'accès. Donc en fait le grand public n'a jamais eu vent de ces noms de domaine. N'a jamais pu les utiliser. Donc du coup ça perd un peu de son intérêt. Là le point 42, le but ça serait vraiment de que tous les geeks, tous les hackers sur n'importe quel réseau où ils passent, hop, ils changent les resolvers DNS et donc pour avoir une résolution du point 42. Il y a eu une rumeur, mais ça après ça serait confirmé, comme quoi le réseau de Bouygues Telecom résolverait les points 42. Mais bon, c'est savoir, c'est peut-être quelqu'un qui a configuré une B-box ou d'accord. Ou un truc du genre. Donc techniquement, en fait, on peut rapprocher les deux internets, parce que pour l'instant, il y a les DNS qui vont chercher les TLD classiques, et d'un autre côté, faut configurer d'autres DNS pour aller chercher le point 42. Actuellement, on en est là. Non, en fait, il y a deux choses séparées. On peut déployer son propre résolveur DNS et indiquer où on va chercher tel ou tel nom de domaine. Les résolveurs DNS de Network N, donc une initiative que j'avais présentée un peu plus tôt, résolve les trois. Par défaut, les noms de domaine, les TLD inconnus sont recherchés sur la racine de l'ICANN, et les TLD connus sont recherchés directement depuis le résolveur vers leur serveur de nom. Mm-hmm. Et donc les points 42 sont recherchés directement vers leur serveur de nom, et ceux de OpenNIC, donc le point geek, le point fur, le point glue, le point, bon, il y en a plein, ouais. Il y en a une bonne douzaine. Donc, voilà. Et donc du coup c'est juste une affaire de configuration de son resolver, éventuellement de configuration de sa box, de son routeur Netgear, en disant, hop, vous allez pointer non plus vers les les résolveurs de votre fournisseur d'accès, mais vers ceux-là. D'accord. Et pour éviter de surcharger tous et toutes les mêmes ordinateurs, on peut éventuellement installer son propre serveur DNS cache sur son portable ou sur son ordi. Comme ça, du coup, on a une copie. On va pas rechercher tout le temps les mêmes informations et ça permet de soulager un peu les informations. Une copie locale, pas forcément super à jour, mais... En règle générale, quand on installe son résolveur sur son ordi, vu qu'on va l'éteindre et qu'on va le rallumer, en règle générale, il y a plus ou moins 3 ou 4 heures de différence. Mais de toute façon, une modification de DNS, mais en règle générale, plus de 24 heures. À peu près 24 heures à être prise en compte. Donc, relativement de temps. D'accord. Donc voilà. Donc dans les autres news, je pense qu'on peut parler un peu de Wikipédia, vu que depuis le 15 janvier... Ouais, alors Wikipédia a 10 ans depuis le 15 janvier. Alors pour l'occasion, il y a le fondateur qui a fait une petite déclaration sur Framablog, donc il y a une petite vidéo que vous pouvez écouter et qui est traduite. Alors il dit notamment que c'est le plus gros projet du 21e siècle. Il rend aussi un petit hommage au logiciel libre où il dit que clairement, sans le logiciel libre, sans cette philosophie et sans toute cette communauté, le projet Wikipédia ne serait pas ce qu'il est actuellement. Alors, Wikipédia actuellement, c'est environ 4 millions de visiteurs par mois. Il y a plus d'une centaine de langues. Pour citer les plus volumineuses, en anglais, il y a plus de 3 500 000 articles. En français, il y a plus d'un million d'articles. En Allemagne aussi, il y a plus de 1 100 000 articles. Donc, ça représente quand même pas mal. Donc, globalement, belle réussite. Et il en profite aussi également pour relancer les gens à... et les inviter à contribuer encore et toujours pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Voilà. Alors un truc qui est assez intéressant, c'est il y avait le 20 minutes qui reprenait cette information et c'est peut-être pas la première fois, mais en tout cas c'est la première fois que je le lis. Il y avait Wikipédia dans la page culture du 20 minutes. Et je trouve que c'est là, il faut le noter, ça fait plaisir de voir que Wikipédia est reconnu comme une encyclopédie, comme une source de niveau 2, une source secondaire d'informations fiables, on reconnaît son poids culturel. Donc ça, je trouve qu'il faut le noter, et donc c'est assez bien. D'accord, parce qu'avant, c'était plus dans la rubrique geek, nouvelles technologies, ou des choses comme ça. De très nombreuses polémiques sur Wikipédia, des auteurs qui venaient modifier des pages Wikipédia et dire « Regardez, on peut transformer la vérité sur Wikipédia, il n'y a aucune information qui est valable. » Alors qu'en fait, ça, c'était pris pour du vandalisme et donc c'était corrigé dans les 7 minutes et les dégradations étaient effacées dans les 7 minutes. Donc... C'était vraiment des cas particuliers sur des articles bien particuliers. Il y a eu d'autres polémiques sur la neutralité de l'encyclopédie, mais en 10 ans, elle a bien mûri et là, elle a vraiment gagné ses lettres de noblesse. Voilà. Okay. On se fait une petite pause musicale. Voilà, donc je vous propose un petit morceau de Psylodump. Ok, so the ninja went the space. Voilà, vous pouvez retrouver ça sur 8-Bit People. On vous donnera tous les liens. C'est sur l'album Munity of the Robots. A tout à l'heure. Vous êtes sur Radio Campus, il est 19h19. Et à tout à l'heure. Et vous pouvez nous appeler au 03 20 91 24 00. Voilà, mille excuses. Bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être un CD rayé ou... Ouais, non, parce que la piste avait l'air de faire ce temps-là. Et j'ai dû me déchirer dans les numéros. Désolé, j'ai dû graver la mauvaise piste, donc en fait, je sais pas ce qu'on vient d'écouter. Annulez tout, annulez tout. Bah, je vais, on va quand même passer à autre chose. Hein. On va pas en rester là sur un échec comme ça. Je vous passe quelque chose, je lance et puis on verra après ce que ça donne. A tout de suite. On est reparti. Super. Ouais, comme on le disait dans les autres émissions, random, l'émission aléatoire. Ouais, ouais. Alors en fait, il y a un... Non, j'explique parce que là, quand même, j'ai un peu les boules. Il y a un nouveau lecteur CD qui a l'air très moche. Et il y a plein de petites fonctions. Et en fait, il est en intro. Donc il ne me passe que les 15 premières secondes. Et je ne sais pas du tout comment retirer ce petit mode de... Bah du coup, je vais peut-être passer à la rubrique suivante. Vas-y, voilà. Alors, dans les petites news sur la censure, le filtrage d'Internet et la neutralité des réseaux, on a donc, on en a beaucoup parlé cette semaine, pas sur Random, mais dans d'autres émissions, on a beaucoup parlé de la Tunisie, jusqu'à ce que le président tunisien donc parte hier ou avant-hier. Alors. La mobilisation qu'on a vue déjà sur dans les rues de Tunis, on l'a retrouvée sur Internet, essentiellement sur l'Internet des pays hors Tunisie, vu que y a des petits problèmes de censure justement et de contrôle des informations auxquelles on peut avoir accès sur Internet. Mais donc il y a eu une forte mobilisation et, au-delà donc de la Tunisie, il y a eu des stratégies qui se sont mises en place pour permettre d'échanger des informations sans passer, sans trop se faire voir, arriver à les faire sortir de Tunisie. Par contre, il y a eu une attaque par déni de services distribués. Donc, c'est en fait des tas d'ordinateurs de différentes personnes, de familles, qui ont essayé de saturer les ressources de plusieurs sites en particulier. Donc il y a eu les sites de HSV, de Routed.com, Danews, Spyu et Europa Security. Alors tous ceux-là ont reçu des attaques DDoS, donc des attaques de déni distribué, provenant de l'ATI, l'unique FAI tunisien en fait. Donc ça c'est prouvé par la plage d'adresse IP utilisée. Alors on a beaucoup parlé de la plage de l'adresse IP comme une preuve non fiable pour la Hadopi. Là, en fait, les seules choses que ça prouve, c'est de quelle zone géographique globale vient l'attaque et de quel opérateur vient l'attaque. Ça, y a une base de données mondiale de quel opérateur à quelle adresse IP est installé sur quelle zone. Donc ça, c'est des données qui sont facilement vérifiables par tout un chacun en tapant WIS, espace et l'adresse IP en question. Donc voilà. Alors, pourquoi ces sites-là en particulier se sont fait attaquer ? En fait, il semblerait que ça soit suite à la parution d'un article sur l'injection de code dans le Facebook tunisien. Il y avait des articles qui parlaient donc de la possibilité d'injecter du code, de récupérer les identifiants mot de passe, et il y avait des soupçons, je crois, sur le gouvernement tunisien qui aurait récupéré des identifiants mot de passe en faisant de l'injection. Donc ça a vraiment, vraiment pas plu, et donc il y a les quatre sites qui en ont pris un peu plein. Donc toujours dans... Donc cette rubrique de censure, filtrage d'Internet et neutralité des réseaux, on le voit, il y a encore trop de violeurs, encore trop de terroristes, encore trop de médicaments. Combien faudra-t-il de jeunes femmes violées ? Je précise, hein, c'est avec des guillemets, et au second degré. Donc combien faudra-t-il de jeunes filles violées, de personnes empoisonnées par des faux médicaments, etc. Bon, pour ceux qui s'en souviennent, bon, c'est grosso modo une déclaration qu'avait fait notre Frédéric Lefebvre, national, en 2008, ouais. Était député alors. Donc qui appelait à un G20 du net. Bah là, c'est pas un G20, ça sera un G8 du web, G8 du net, mais bon, pour nos dirigeants entre web et internet, je pense qu'ils ne font pas la différence. Et donc un G8 pour régler les soucis de propriété intellectuelle, de cybercriminalité, de pornographie et de pédophilie. On va parler de fiscalité aussi. Oui. Mais bon, je pense que... Bon, on peut être un peu mauvaise langue, je pense qu'ils mettront un peu moins de cœur à l'ouvrage pour tout ce qui est évasion fiscale de certaines sociétés. Voilà. Bah, si ça vous intéresse, le G8 du web se tiendra à Deauville en mai 2011, en même temps que le G8 des chefs d'État. En fait. Donc voilà, on va certainement avoir le même genre de discussion qu'il y a eu autour d'ACTA, de comment empêcher les internautes, par exemple, d'arriver sur Mega Upload ou d'autres sites pour télécharger des films. Donc voilà. Petite pause musicale peut-être cette fois. Normalement ça devrait marcher. Bon, bah du coup oui. Allez, on peut essayer. Allez, on tente. On est fou. Je croyais que vous deviez respecter mes ordres à la lettre. Je sais, mais j'ai envie de prendre les commandes. Nous voulions assurer votre protection. Ne sois pas ridicule. Mon ordinateur. Tu es dans la matrice. Mes ordres à la lettre. Mes ordres à la lettre. Mes ordres à la lettre. Mais j'ai envie de prendre les commandes. Random, un dimanche sur deux, 19-20h, Radio Campus Lille, 106,6 MHz FM. Le magazine de la contre-culture hacker, du bidouillage, des libertés numériques et de la société de l'information. Regarde par toi-même. Quoi ? Tout de suite ? Oui, tout de suite. Random. Profitez-en, bientôt ce sera brouillé. Voilà, donc vous venez d'écouter Party Hard, Evoque, c'était Ultracide, et juste avant vous avez écouté donc OK, So the Ninja Went to Space, de Psylodump, la première que j'avais annoncée et qui avait un petit peu merdé. Toutes mes excuses pour ces petits couacs techniques, c'est une petite rentrée timide, sans DB, alors forcément on a deux fois plus de boulot, on est tout perturbé, enfin je suis tout perturbé. Voilà. Ouais. Et donc on va continuer donc sur les actualités du milieu hacker avec beaucoup de mouvements autour des, de tout ce qui est magazine. Donc il y a des contributeurs de l'émission qui nous signalent que donc il y a l'apparition de deepnews.info. Donc de deep comme profond en anglais et news comme des nouvelles. L'équipe de FUH reprend du service avec un nouveau site web, une bonne source d'information en plus de Da News, donc sur lotfree.bewards.com. Donc pour ceux qui, ceux et celles qui souhaitent se tenir au courant de l'actualité du milieu et du mouvement hacker. Donc toujours dans les magazines, on avait parlé plusieurs fois du magazine Rafale, Donc là, il y a un appel à contribution pour le quatrième numéro du magazine électronique Underground Rafale. Donc, faut pas hésiter à proposer des articles. Il y a peu, vraiment peu de... Voilà, il y en a un peu plus maintenant. Il y a pas de zines intéressants et actifs dans le milieu francophone. Donc, faut vraiment aider et soutenir donc le projet. Donc voilà. En parlant d'appel à contribution, dans les actualités du logiciel libre dont j'avais parlé tout à l'heure, j'ai oublié de signaler que on est en 2011 maintenant, et donc il y a les RMLL 2011 qui approchent. Et de la même façon, il y a un appel à contribution qui a été lancé pour les conférences et les ateliers des RMLL, parce que c'est vraiment ce qui fait vivre l'événement. Des conférences sur des sujets parfois très techniques, parfois extrêmement basiques, des sujets qui vont de l'art et de la culture à des sujets d'économie, de sociologie, il y a vraiment des tas de sujets, c'est toujours aussi intéressant d'aller au RMLL. Bien que je pense qu'on laissera plus de... Alors, on vous laissera découvrir plus de détails avec l'équipe de l'écho des GNU dans les semaines qui vont suivre. Donc voilà, pour en venir donc à vos actualités du milieu hacker, il y a aussi à noter l'ouverture d'un nouveau miroir de Matchat qui est parfois pas toujours très, très visible. Donc là, il y a un nouveau miroir. Et on peut aussi contribuer au miroir en disant un script d'upload de fichiers. Donc voilà. Tout ce qui est joyeux petit monde de l'infosec, il y a une news sur la Sony PlayStation 3 qui va peut-être ressembler à une news qu'on avait fait il y a quelques mois, mais d'ailleurs en quoi ça change en fait? Alors en quoi ça change? Alors la news de la dernière fois en fait c'était... Là tu me... Donc tu mets un tacle dans le genou. Donc c'était à propos des DRM de la PlayStation 3. Ouais, alors ça concernait certains modèles, les Slim. Alors j'ai pas de PlayStation 3 et j'y connais pas grand chose en PlayStation 3. Mais il y avait deux modèles en fait. Il y avait les Slim, donc les vieux, on va dire. Enfin non, les gros, donc les vieux. Et ils avaient résolu le problème. Enfin le problème. Ils avaient contrecarré en fait avec les modèles Slim justement sur lesquels ils avaient reverrouillé en fait par un système de DRM. Mais je ne sais plus exactement ce qui était pété la première fois. Je vais pas aller plus loin. Alors, il me semble que la PlayStation 3 en fait fonctionne avec un hyperviseur qui ensuite lance des machines virtuelles. Une machine virtuelle avec le jeu. Et donc il me semble que les dernières choses qui avaient été cassées qu'on avait annoncées la dernière fois, c'était en fait au deuxième ou troisième stade de lancement de la console, donc quelques secondes ou quelques dizaines de secondes après le démarrage de la console, il y avait une solution qui permettait donc de contourner donc des restrictions d'exécution et donc de démarrer des jeux ou des logiciels qui n'étaient pas prévus pour démarrer sur la PlayStation 3. Mais il me semble que ça ne fonctionnait quand même pas pour faire tourner un Linux sur les anciennes et les nouvelles consoles. Et donc là, c'est la protection racine qui a été cassée. Voilà. Alors bon, DRM cassé, Sony en fait verrouille un peu son système. Verrouille la PS3, pardon, par un système de signature cryptographique des programmes. C'est-à-dire que tous les programmes qui ne sont pas signés avec ce certificat racine, la PlayStation refuse de les exécuter. Là, c'est ce certificat racine qui a été cassé et qui a été diffusé. Donc, c'est-à-dire que actuellement, en récupérant ce certificat racine, vous pouvez exécuter n'importe quel programme, bien sûr qui est compilé pour tourner sous la PS3, en le signant avec ce certificat racine. Donc sur n'importe quelle PlayStation, même sans toucher à la PlayStation, c'est d'un point de vue logiciel, on signe le programme avec ce certificat racine qui a été publié, et ça permettra de faire tourner tout ça. Encore une fois, on voit que les industriels s'acharnent à nous mettre des DRM partout, les DVD, les Blu-ray... Parfois, pour... d'un point de vue strictement légaliste, pour des usages parfaitement légaux et pour des usages fortement utiles, on est même bridé. Des labos de recherche en informatique qui veulent avoir du matériel PowerPC à très bas coût et avec un bon processeur. C'est le cas du Cell de la PlayStation 3 qui est vraiment un bon processeur PowerPC. Du coup, avait fait tourner des Linux sur des PlayStation 3 et se retrouvait dans l'impossibilité de faire des mises à jour, voire même parfois avait fait les mises à jour et avait flingué toute leur console. Et donc là, c'est au-delà de brider du contenu qu'on essaye de nous vendre, là c'était vraiment brider des. Enfin, venir casser, endommager des usages qui étaient déjà. Ouais, voilà. Le principe même du DRM, c'est de limiter que ce soit soit les logiciels ou ce qu'on écoute, ou enfin bref, ce qu'on fait tourner dessus, mais aussi les usages. C'est retirer le contrôle aux utilisateurs de ce qu'ils ont entre les mains. Voilà, mais encore une fois, on voit que ça fait. C'est souvent, les DRM se retrouvent à embêter l'utilisateur entre guillemets légitime, et qu'une fois cassé, ça sert à rien, ils dépensent de l'argent pour, et. Enfin voilà quoi. Pour en conclure avec ça. Vu qu'on parle de DRM et de contrôle et tout ça. Je pense qu'on peut parler, on peut passer à la rubrique N'ayez pas peur, faites-nous confiance et commencer par le projet DIRIWA. Donc DIRIWA, c'est l'abréviation de Digital Rights Watch. Donc c'est un projet en fait, pour l'instant sous forme d'un wiki, de venir un peu condenser, faire une analyse comparée de toutes les législations nationales en ce qui concerne la liberté numérique. Donc les libertés numériques, donc ça va donc de tout ce qui est censure et filtrage autour de l'internet ou d'autres réseaux de communication, de la vidéosurveillance, du fichage de vos données personnelles, donc médicales, vos goûts, ce que vous consommez, donc voilà. Et donc là, Digital Rights Watch, en fait, ça va être un outil pour voir ce qui se fait dans les pays, ce qui marche d'un point de vue du côté des citoyens, ce qui est fonctionnel et les pays où ça se passe bien, voir les pays où il y a des situations qui sont catastrophiques, donc notamment en France où on nous fait une Adopi, une Lopsi, et où on va bientôt plus rien pouvoir faire sur le réseau. Donc voilà, donc là c'est. Si vous avez quelques talents de juriste, faut pas hésiter donc à contribuer. Donc voilà. Oui, j'aurais peut-être pu revenir. Ouais. On a. Revenez. Ouais. On a les news qui sont parfois un peu dans le désordre. Pour revenir un peu à l'infosec, il y a eu pendant les vacances. Donc du 27 au 30 décembre, le 27 C3. Le congrès du Chaos Computer Club, où on a toujours des tas de news très intéressantes. Et donc là, on avait déjà parlé du GSM plusieurs fois. Là, au 27 C3, il y a eu une annonce comme quoi il ne fallait pas plus de 3 minutes avec une Rainbow Table, donc un dictionnaire avec des tas de. D'équivalence clé de chiffrement et contenu. Donc il fallait pas plus de 3 minutes pour arriver à écouter des conversations GSM qui étaient chiffrées, donc je crois que c'est dû à 5.1 ou un truc du genre. Voilà. Donc pour l'instant, les données ne sont pas tout à fait récupérables, mais on aurait vraiment touché au but en ce qui concerne le déchiffrement des conversations téléphoniques. Bon, pour le GSM, parce que après, pour la 3G, c'est une autre histoire. Donc, voilà. Dans la rubrique N'ayez pas peur, faites-nous confiance, on va parler de Wikileaks, mais pas de n'importe quel Wikileaks. On va parler de Wikileaks 13. Alors 13, c'est comme le département de Marseille, et ça concerne fortement la mairie de Marseille. Donc il y a dans les journaux nationaux eu pas mal un article autour de un fonctionnaire donc qui avait créé donc le site Wikileaks 13, donc ça voulait au départ dénoncer tout ce qui a bu au niveau des marchés publics, des clauses illégales dans les marchés publics, de dire il nous faut un logiciel d'un certain éditeur en situation de monopole, et il nous faut sa suite bureautique absolument, et il nous faut son logiciel de serveur absolument, et son logiciel de script pour faire des sites web absolument. Ce qui est contraire au code des marchés publics, et ce qui est contraire à la morale de dire on passe un appel d'offres, mais il n'y a que une seule personne qui peut répondre à l'appel d'offres. Où il n'y a qu'un seul fournisseur qui pourra revendre au prestataire des choses. Wikileaks 13 avait déjà eu pas mal de. Avait fait pas mal de bruit parce que, notamment, l'April avait pu ensuite travailler sur les appels d'offres illégaux, vu qu'il y avait eu en fait un. Il y avait eu toute une évolution du système informatique de la mairie de Marseille, une migration prévue sur des logiciels libres, donc pour des questions de pérennité, pour des questions de coût, peut-être aussi pour des questions de philosophie, mais je ne sais pas si c'est des arguments qu'a retenu la mairie de Marseille. Et donc là, on a eu un changement à la tête du service informatique, un nouveau DSI. Et le nouveau DSI a fait j'annule ce qui a été fait et hop, on va faire du Windows. Malheureusement, le créateur donc du site Wikileaks 13, où il a publié des informations dont les associations ont pu se saisir, il a fini en fait suspendu. Il a subi d'énormes pressions, à tel point qu'il a fini par tenter de se suicider. Il y a l'April au-delà de l'utilisation des données pour pouvoir attaquer cette violation du code des marchés publics est venu soutenir Philippe Sion, le fonctionnaire qui avait mis à disposition ces appels d'offres et ces résultats d'appels d'offres illégaux. Il faut espérer qu'il y aura une suite positive à Wikileaks 13. Petite pause musicale ? Allez. Vous êtes sur Radio Campus, 106.6 FM, et vous pouvez nous joindre pendant les pauses musicales, c'est random. Et voici comment faire pour nous joindre. Donc vous pouvez nous... Vous pouvez nous joindre au 03 20 91 24 00 pendant les pauses musicales via Silk sur silk.dg-sc.org, canal random, et retrouver nos infos sur lille.dg-sc.org/random. Viens, tu t'amuseras, je te le promets. Den Eileiter deiner Wegbegleiterin weiß in die Leine deines Dobermanns, was Drogen an. Mit Tore hochgegangen im Todeskampf, der Serienkiller gibt die Methode an. Du musst Fuß fassen, weil du weißt, wo die Heimat ist. Wo ich Blut fließen lassen, weil es so einfach ist. Der todkranke Doppelgänger wird so harter Rattenfänger. Schon sind für Schattenkinder, schon ist die Platte länger. Hosenverkäufer und Kaffeetrinker warten im Wasser und warten auf den Henker wie die Kinder. Ihr werdet fett und gemütlich im Bett liegen Krümel. Ihr esst kein Gemüse und versteckt euch hinter Drüsen. Ihr werdet fett und gemütlich im Bett liegen Krümel. Ihr esst kein Gemüse und versteckt euch hinter. Dein Gehabe geht mir auf den Sack, keine Frage. Ja, ich schlage dich im Takt und die Leber wird dir rausgeholt mit der Heckenschere. Ich schneide dir die Haare mit einer Kettensäge, wenn ich fette Menschen sehe, gehe ich zum Kotzen raus mit meiner. Voilà, donc vous venez d'entendre Icarus Live, c'est Will Wannabe qui fait ça, c'est le deuxième remix pour être exact, et juste avant c'était Fête, F-E-T, par Slomo et Lunte, ce sont deux Allemands, et on peut retrouver ça sur ideology.de. Voilà, on va peut-être passer à l'agenda. Ouais, un agenda déjà bien chargé, donc qui commence mardi. Avec une réunion publique du collectif Antilopsie de Lille, donc à la MRS, donc la MRS c'est la Maison Régionale de l'Écologie et de Solidarité, ça se trouve rue Gosselet à Lille, donc c'est important je pense pour tous ceux et toutes celles pour qui un pays démocratique, c'est important. Le fait de se mobiliser donc sur ce projet de loi qui étend les pouvoirs de fichage, qui empêche tout habitat précaire, donc pour des personnes qui sont déjà en situation assez incroyable de précarité, qui ont vraiment plus qu'une tente pour vraiment se réfugier. C'est assez affolant. Donc pour en venir au fichage, ça touche le fichage génétique, le FNAEG, il y a des choses qui sont simplifiées. Et pour les citoyens, notamment les citoyens qui sont innocentés après des enquêtes, ça devient très compliqué de se faire retirer du fichier. Donc on reste 40 ans dans le fichier avant d'être supprimé. Et encore, on ne sait pas si c'est nettoyé régulièrement. Donc il y a aussi, ça touche d'autres domaines, ça touche à la possibilité de mettre des mouchards sur vos ordinateurs, donc soi-disant pour des problématiques de terrorisme, mais quand on voit le traitement de certains sujets comme l'écologie, où on considère que les écologistes sont des terroristes, ou quand on voit la mise sur écoute de journalistes ou de syndicalistes, bon, il y a des doutes là-dessus sur le fait que ça ne serve que pour... des problèmes de terrorisme. Donc voilà. Bon, après, il y a d'autres domaines, là c'est ceux qui me viennent en tête, mais il y a de très nombreux articles et de très nombreux chapitres à la loi qui touchent un peu tous les domaines. Ça va de la conduite en état d'ivresse à la gestion des cimetières, en passant par la liberté numérique, donc un chapitre qui nous touche. Et voilà, si vous voulez vraiment échanger avec les autres, apprendre sur ce projet de loi et venir nous donner un coup de main, rendez-vous mardi, 18 janvier. Donc il y aura ensuite, le dimanche prochain, dimanche 23 janvier, il y aura l'écho des Gnous numéro 8, donc sur Radio Campus. Suivi le dimanche d'après sur toujours sur Radio Campus, le dimanche 30 de Random numéro 32. Le 4 février, donc ça va démarrer un week-end assez chargé vu que on commence par le meeting de 1600 du mois de février. Vous avez toutes les infos sur 2600lille.org. Et ce suivi le lendemain et l'après-demain, donc samedi et dimanche, du FOSDEM 2011 à Bruxelles. Donc le FOSDEM, c'est le Forum Européen des développeurs de logiciels open source et libres. C'est plutôt orienté développeurs. On apprend vraiment énormément de choses sur les projets de logiciels libres, comment les communautés sont organisées, comment ils fonctionnent, les dernières améliorations qu'on va retrouver dans les prochaines versions stables. On peut discuter avec les développeurs. On apprend vraiment énormément dans FOSDEM, donc je vous conseille vraiment d'y aller. Toujours dans l'optique d'apprendre ou d'apprendre à apprendre. Donc le vendredi 11 mars, donc là c'est un peu plus loin, il y aura le FRNOG 17. Donc le FRNOG, c'est la rencontre du nom du groupe du même nom, le French Network Operator Group. Donc pour venir discuter réseau, problématiques de déploiement de fibre optique, apprendre à gérer votre propre réseau ou écouter les pionniers de l'internet, c'est toujours intéressant. Donc voilà. Sur ce, on va tout doucement vous laisser avec votre émission d'électro préférée, Chupa Pimento. Et on se retrouve donc dans 15 jours sur Radio Campus. À plus. Voilà. Random, l'émission des hackers qui sortent de leurs bunkers.